Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le combinat des engins de pêche de l'Armée Populaire de Corée nouvellement construit. Il a été accompagné de Fang Byung-so et d'autres cadres responsables de l'armée. Il a admiré avec une grande satisfaction le panorama de l'usine en disant qu'elle est bien construite avec prévoyance et conformément à l'esthétique moderne. Il a visité d'abord la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et la salle d'historique. Cette usine a été construite par l'armée populaire dans la banlieue de la ville de Pyongyang à l'initiative de son commandant suprême. Moderne et d'une haute capacité de production, elle fabrique des équipements de pêche de toutes sortes impérieusement nécessaires à la pêche et à l'aquiculture côtière. Le commandant suprême Kim Jong-un a souligné d'intensifier l'éducation idéologique en vue de faire valoir exclusivement la force d'esprit du personnel et de ranimer l'ardeur d'émulation pour qu'il se charge par les succès dans la production de l'arsenal du secteur de pêche très important, directement lié à l'amélioration de la vie alimentaire de nos militaires et civils. Il a fait le tour des salles de commande générale et des échantillons, des équipes de travail de filets, de cordes et de flotteurs pour s'informer en détail du niveau technique des équipements et de l'état de production, ainsi que de la qualité des produits. Il a apprécié que le niveau technique des équipements de l'usine et la capacité de production sont considérablement élevés grâce à l'installation des machines modernes comme machines à filets, machines à bobiner et laminoirs à profilets, évoquant une mer de machines. Il s'est montré satisfait du système intégral de production hautement scientifisé et informatisé grâce à la collaboration des scientifiques et techniciens pour pouvoir trouver même des projets de production très rationnels en accord avec la situation de production ainsi que des machines modernes de fabrication nationale. Un large sourire aux lèvres, il a regardé les procédés de production, notamment des filets, des cordes et des flotteurs, moyens essentiels de la pêche et de l'aquiculture côtière. Soulignant l'importance du combinat des engins de pêche de l'armée populaire de Corée, Kim Jong-un a énuméré les tâches posées à l'usine comme la normalisation de production au niveau élevé et l'élévation continue de la qualité des produits, la nationalisation maximale des matières premières et la baisse maximale de la norme de consommation matérielle par unité de produit, l'opération et l'entretien soigneux des équipements selon les règles techniques et les règles d'opération standard et l'élévation du niveau technique professionnel des ouvriers. Qualifiant impeccable cette usine qui mérite l'admiration du monde, il a fait remarquer qu'elle est due à l'armée populaire qui a manifesté sans réserve l'esprit d'application obligatoire consistant à se soumettre immédiatement aux ordres du parti et à les exécuter sans condition. Estimant que le combinat des engins de pêche de l'armée populaire de Corée est capable de fournir suffisamment d'équipements nécessaires aux entreprises halieutiques professionnelles et aussi aux troupes militaires stationnées dans les îles et sur les côtes maritimes, le maréchal Kim Jong-un a dit que c'est une usine qui rend du profit remarquable au développement de la pêche nationale, une richesse précieuse et une fortune importante à léguer à notre postérité. Et de continuer. Je suis très content à la pensée d'avoir accompli une nouvelle entreprise favorable à l'amélioration de la vie alimentaire des militaires et civils. Je suis heureux de voir des assises jetées l'une après l'autre en faveur de la prospérité de la patrie. Quand nos militaires et civils arrivent à consommer des poissons à leur souhait, rappelons-nous fièrement des jours de construction de cette usine. Convaincu que les cadres et autres ouvriers du combinat des engins de pêche de l'armée populaire de Corée normaliseront la production et rempliront bien leur mission honorable, conscient de l'intention du parti qui a fait construire cette usine, le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec eux.